suis monté dans ce train sans savoir si tu viendrais. Jusqu'ici tout va bien. Je t'ai attendu et j'attendrai. Et je vois que les autres s'aiment. J'ai le cœur à l'envers. Si tu veux marcher en tandem, on se rejoint en première. Je t'aperçois au loin, dis-moi, est-ce que c'est bien toi? Plus j'avance et plus je me dis, ai-je fait le bon choix? Hey, je n'attendais que toi. C'est ce qui les a brûlés. Ce n'est pas ce que tu crois. Plutôt de nature à me méfier. Je n'attendais que toi. C'est ce qui les a brûlés. Tous les gars ne sont pas comme moi. Es-tu de nature à te défiler? Alors suis-moi. J'hésite à monter, où est-ce que tu m'emmènes? J'ai toujours fui le danger, je reste la même. Les gens se projettent et se promettent des merveilles. Et si je prends ce train, rien ne sera plus jamais pareil. Je t'aperçois au loin, dis-moi, est-ce que c'est bien toi? Ah. Plus j'avance et plus je me dis, ai-je fait le bon choix? Ha! Je n'attendais que toi. C'est ce qui les a brûlés. Plutôt de nature à me méfier. Je n'attendais que toi. C'est ce qui les a premiers. Tous les gars ne sont pas comme moi. Es-tu de nature à te défiler? Alors suis-moi. M'écouter, dites-lui que j'ai pris le dernier ticket. Si elle rate ce train, elle va le regretter. Oh, oui, monsieur l'agent, je n'ai pas envie. Ça commence bien, on sait comment ça finit. Et je me dérange, ai-je fait le bon choix? Je n'attendais que toi. C'est ce qui les a brûlés. Ce n'est pas ce que tu crois. Plutôt de nature à me méfier. Je n'attendais que toi. C'est ce qui les a brûlés. De nature à te défiler. Alors suis-moi. Suis-moi. Bonsoir.